Audiomatic. Le fait qu'il soit maintenant possible d'écouter exactement ce qu'on veut au moment même où on en a envie nous place devant des choix presque illimités, ou encore nous contraint à n'explorer que ce qui nous attire naturellement. Un excès de liberté peut être un réel frein à la curiosité, en plus de pervertir les perceptions sur toute entreprise qui demanderait une rigueur et une assiduité dans le processus de découverte musicale en lui affublant une finalité presque inatteignable. À cette époque où il est devenu impensable de subir ne serait-ce qu'une seule seconde un contenu culturel qui ne correspondrait pas à nos attentes et à nos goûts personnels, il est irréaliste de penser que l'offre d'une programmation musicale prédéfinie, immuable et à horaire fixe pourrait intéresser qui que ce soit. Pourtant, les électronistes ont pris le pari avec Audiomatic de cantonner leur transmission dans un espace-temps, d'imposer des compositions musicales dans une séquence précise sans possibilité d'y changer l'ordre prédéterminé, si ce n'est que de donner à l'auditeur le pouvoir d'interrompre à tout moment l'écoute de l'émission. La pensée, la connaissance, la culture se construisent souvent en étant confrontés à des faits, des informations, des œuvres, des philosophies, suggérées ou même imposées par des personnes ou des organisations qui croient en la pertinence de ce qu'ils présentent. L'esprit critique ne fait que se complaire dans la consensualité. C'est pourquoi Audiomatic est une dictature qui se perpétue à chaque semaine avec l'espoir qu'elle ouvrira les consciences sur l'existence de certaines créations, sur leur portée artistique et culturelle et surtout qu'elle amènera l'auditeur à se forger son propre jugement. Sans que vous l'ayez vraiment souhaité, vous avez entendu en introduction de cette transmission 162 d'Audiomatic le projet américain Sonogram et la pièce Diodes de l'album Telescopic. Les transmissions d'Audiomatic sont le lieu de diverses ambiances générées par la musique électronique. Parfois, les sons nous confrontent et d'autres fois, les mélodies nous apaisent. Chose certaine, les électronistes cherchent à faire plonger les auditeurs à l'intérieur d'un environnement sonore qui se renouvelle de semaine en semaine au fil de chacune des transmissions d'Audiomatic. L'atmosphère qui caractérisera la séquence musicale qui s'amorce dans quelques secondes se veut apaisante, relaxante, voire un peu triste. Bref, parfaite pour imprégner cette soirée d'automne d'une mélodie qui porte à la contemplation. Voici donc le projet Ish et sa pièce Listen to the Trees. Cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique du projet Semiomime de son tout nouvel album intitulé Close Ones. Nous écoutions la pièce Perséide. Notons que Semiomime est le projet de l'artiste Noel Vessels, qui est aussi et surtout connu comme étant DJ Hidden. Et avant Semiomime, nous entendions Ish, qui s'écrit I-S-H. C'est le projet Digo Sinigla et la pièce que nous entendions se nomme Listen to the Trees, tirée de son plus récent album Structures of Mind, sorti un peu plus tôt en 2017. La suite musicale d'Audiomatic s'impose à vous avec le projet Tarraking Theory. Face à la réalité. We'll be right back. say a God was trying to kill. Sometimes your history determines the fierceness with which you fight against what is in front of you. Suddenly everything, all of our history becomes relevant. Suddenly, everything is about this basic set of human problems. We'll find, I think, that we have some friendly ghosts that are trying to help us along. There's not a person in this room who is so perfect that you are not lusting for change. Le peintre, illustrateur et bédéiste américain Manton J. Matthews Tree est aussi musicien et de son projet Saltillo. Nous entendions à Audiomatique la pièce Following Evelyn du mini-album Ascension. Tout juste avant, le projet trifluvien My Gloomy Machine nous interprétait la pièce Effacer le passé de son nouvel album Automation, qui est disponible sur son profil mygloomymachine.bandcamp.com, moyennant une contribution qui est laissée à votre entière discrétion. Et pour débuter, il s'agissait du projet français Tara King Theory, qui a été fondé en 2003 par Arnaud Boyer, aussi connu comme Ray Borneo, qui a recruté en 2005 la chanteuse Béatrice Morel-Journel. Ils ont fait paraître plusieurs albums qui exploraient des musiques électroniques que l'on pourrait qualifier, disons pour généraliser, de down-tempo et trip-hop. Pour le nouvel album de Tara King Theory intitulé Stellar Fantasies, Ray Borneo est revenu en solo et nous présente un album avec des influences psychédéliques, krautrock, electro-vintage et space. Pour vous en donner un léger aperçu, nous avons décidé de vous faire jouer le morceau Barren Hallucinations. À Audiomatique, nous apprécions beaucoup le son synthétique des années 1990 et c'est pourquoi nous avons choisi de poursuivre la transmission sur la musique de Virtualizer. We'll be right back. Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic la formation Noise Unit et la pièce Otherworld qu'on peut trouver sur l'album Drill paru en 1996. Noise Unit était pour la composition de cet album l'œuvre des Canadiens Bill Leeb et Rhys Fulber, qui sont bien connus notamment grâce à deux de leurs entités musicales, à savoir Delirium et Frontline Assembly. Et avant Noise Unit, nous écoutions une longue pièce de la formation Virtualizer, à savoir Paradise D, tirée de l'album Acid Warriors Dream Crystals, paru en 1995. Pour clore cette transmission d'Audiomatique, nous vous proposons le duo montréalais Micropanic, formé de Jean-Sébastien Vaillancourt et de Jean-Christophe Blain, qui ont lancé leur album Materia le 3 novembre dernier. De cet album, nous écouterons la pièce Opus 14. Vous pouvez écouter et télécharger Materia en vous rendant sur leur profil Micropanic avec un k.bandcamp.com. C'est la fin! Dans quelques minutes, la transmission 162 d'Audiomatic fera partie du passé dans le monde physique pour mieux revivre dans les univers numériques. En effet, dans quelques jours tout au plus, la transmission 162 sera placée dans les archives digitales d'Audiomatic jusqu'à la dégradation des univers numériques qui ne sont en fait qu'une illusion que nous pouvons rendre tangible quelque chose d'intangible. Cela dit, profitez de plusieurs heures de musique électronique diffusée par le biais des transmissions d'Audiomatic en vous rendant sur notre profil mixcloud.com/audiomatic. Et restez virtuellement connecté avec les électronistes grâce à facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Micropanic et leur composition Opus 14. C'était Audiomatic avec les électronistes. The world comes to a fiery end. This isn't prophecy. It is actually being witnessed by Earth's last two living beings.